On vit dans une drôle d'époque. Plus de fils de pute que de mecs bien dans mes potes. Appelle-moi le rat de marée. Casse-toi vite, imbécile. Ma vie est loin d'être un long fleuve tranquille. Pourquoi te donner un rôle? Pourquoi quand t'es sous alcool, tu hausses les épaules? Merde. Tout ça me rend nerveux. Ici, les mecs qui jouent les gros bras sont des merdeux. Bande de petits bâtards. Je vous traumatise. Je reconnais plus personne car même les keufs se banalisent. Bande de bâtards. J'en ai marre de cette vie de chien. Je fais même plus la différence entre une crasseuse et une fille bien. Ouais. Les affaires ça marche qu'un temps. J'ai vu plus d'un frère tomber pour de la salha. Ouais, bro. Génération flinguée du cerveau. Génération rien à péter en brouille à coups de marteau. Qu'est-ce qu'il y a? Les keufs on les rend fous. Que ce soit en Pékin, en voiture. Demande à mes morts, demande à filou. Dis-moi pourquoi les gens le somment quand ils nous voient poser dans des grosses bagnoles tard le soir. Mais dis-leur que je m'en bats les couilles à leurs yeux. Je suis une crapule, un bâtard. Dis-leur que je m'en bats les couilles, ouais, c'est à leurs yeux. Je suis une crapule, un bâtard. Aujourd'hui j'ai plus le temps de côtoyer les cons. Y'a que dans les rêves que tu ligotes un convoyeur de fond. Donc ouvre les yeux et redescends sur terre. C'est la loi du bitume, trop de filles sur le carter. Aujourd'hui j'ai plus le temps de côtoyer les cons. Y'a que dans les rêves que tu ligotes un convoyeur de fond. Donc ouvre les yeux et redescends sur terre. C'est la loi du bitume, trop de filles sur le carter. J'ai pas lancé le SOS, donc y'a pas eu d'aidez-moi. Y'a pas de corde au cou, j'parle beaucoup, du coup le café est froid. Ça on le sait, y'a que la mort au bout, on a capté les proies. Y'a que la chance qui joue au tord du gouffre, on a croisé les doigts. Quand vient la sentence, tu me rassures, tu crois que ça m'aidera. Quand c'est la galère, j'pense aux autres, dans une fête ou en train de fêta. Les fous parlent, dégoûtés pour dalle. Jaloux, tu veux tout bien faire, imperce, mais tes joints, tu les roules mal. La verse et la frère, j'rappe, ça a l'air efficace. En direct de la jungle, petite tasse, c'est pas à nous que t'apprends à faire la grimace. Le bonheur et la bonne époque se cachent, hein. Tu veux nous faire la guerre, qu'est-ce que tu crois que t'allais faire? T'attends que tes potes le fassent. À cause des drogues, le mal a emporté tes rêves. Ils nous ferment des portes, conscient qu'on s'en meurt les lèvres. Ainsi t'as su faire tes preuves, une fois que les dés sont lancés. Aide-toi le ciel t'aidera, ok, j'attends toujours d'être récompensé. Aujourd'hui j'ai plus le temps de côtoyer les cons. Y'a que dans les rêves que tu ligotes un convoyeur de fond. Donc ouvre les yeux et redescends sur terre. C'est la loi du bitume, trop de vie sur le terre-terre. Aujourd'hui j'ai plus le temps de côtoyer les cons. Y'a que dans les rêves que tu ligotes un convoyeur de fond. Donc ouvre les yeux et straight out of Dom Style Productions. Dope bass you ever heard?